Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1. Après les activités de plein air, nous allons revenir en ville, d'autant plus qu'hier, le 8 novembre, c'était la journée mondiale de l'urbanisme. Et pour l'occasion, Mélanie Jean nous emmène à Toronto, qui est en voie de devenir la première Smart City canadienne. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Et oui, à Toronto, on parle de pistes cyclables qui vont changer selon l'heure du jour, des conteneurs qui vont être automatisés, qui vont être sous la ville, des capteurs pour mesurer la vie urbaine. Bref, il y a vraiment des choses qui se brassent à Toronto. Il y a un nouveau quartier qui pourrait prendre même des airs de cité futuriste. C'est en fait le projet d'une filiale de Google qui s'appelle Sidewalk Labs qui veut repenser en fait la ville moderne. Donc, c'est le pari qu'a fait Toronto en confiant à cette compagnie sœur de Google la tâche de concevoir carrément de toutes pièces le quartier qui va être entièrement revitalisé au cours des prochaines années. Et là, ben, le projet est vraiment assez balbutiement. Là. C'est un peu, on peut dire, un projet pilote. Et ça doit être encore approuvé là, suite à une consultation qui va durer un an. Mais Sidewalk Toronto, là, qui est une entité qui ressemble à Sidewalks Lab, qui les différents paliers de gouvernement, va rencontrer le public, les universités, les entreprises privées de la région, bref, pour avoir un portrait global, une consultation complète. Et que c'est ça, que tout le monde puisse y participer. Oui, et puis donner son opinion. Et il va y avoir un premier investissement de quand même 50 millions de dollars de la part de Sidewalk Labs de Toronto et de la province de l'Ontario qui va ensuite injecter 1,25 million de dollars supplémentaires pour contribuer au projet. 1,25 milliard, j'imagine? 1,25 milliard, oui. C'est ça, de dollars. Ça vient du gouvernement de l'Ontario. Exactement. Donc, c'est quand même des gros chiffres. Oui. Et la compagnie Google a même comme projet de déménager son siège social canadien dans ce quartier-là qui va être, en fait, c'est un secteur riverain là, de Toronto qui va devenir, en fait, une plaque tournante, je crois, des nouvelles technologies. Donc, le site qui est visé pour le nouveau quartier là, qu'on appelle Quayside et qui est d'une superficie quand même de 50 000 m², c'est près de l'intersection des rues Queens, Quay et Parliament à l'est du centre-ville, pour ceux qui connaissent Toronto. Ça va inclure des complexes de recherche, mais aussi des commerces, des logements, un réseau de transport qui va être avec des véhicules autonomes sans chauffeur. Et quelles seront les particularités de ce nouveau quartier futuriste et intelligent? Mais le futur quartier va être tapissé de capteurs, de caméras, de radars, d'appareils pour mesurer la pollution atmosphérique. Donc, c'est pour ça qu'on dit vraiment une ville intelligente. C'est ça. Et toutes les données amassées vont être intégrées dans un modèle informatique avec lesquels des techniques d'intelligence artificielle vont être utilisées pour comprendre le fonctionnement de la ville, puis aussi prévoir les effets que, par exemple, pour avoir les futurs changements qu'on va apporter au secteur. Et le modèle va pouvoir, par exemple, anticiper le trafic après un événement ou déterminer les meilleurs endroits pour ajouter des bornes pour des vélos libre-service, par exemple. Il y a aussi des rues qui vont s'adapter aux besoins du moment. Ça, c'est vraiment intéressant. L'apprentissage effectué avec des modèles informatiques va permettre d'optimiser les routes de façon différente. Ils ont comme projet de mettre des ampoules d'ailes dans la chaussée pour permettre de moduler la taille des pistes cyclables en fonction de la demande. Puis là, ben, il y aurait aussi là, un tarif qui pourrait être imposé pour emprunter certaines routes quand le trafic est trop dense. La mobilité du futur dans le quartier va vraiment passer aussi par des taxis automatisés, donc conduite autonome encore. Et selon la compagnie, ça pourrait faciliter l'implantation là, de tarification variable. Sidewalk Lab s'intéresse visiblement à la mobilité, mais est-ce que d'autres services publics pourront aussi en bénéficier, à ton avis? Bien, selon leur projet, oui. Il y a les services d'aqueduc, les services d'électricité, les services d'Internet qui vont être conçus de façon facile d'accès. Remplacer un tuyau, le but, c'est que ça nécessite pas de défaire toute la chaussée. L'installation de nouvelles technologies par des entreprises jeunes ou établies, par exemple là, de la fibre optique de prochaine génération, va être plus facile, selon leur projet. Un autre aspect non techno qui serait important là, du quartier concerne la piétonnisation du secteur. Il y a plusieurs petites rues qui vont être strictement réservées aux piétons. Le quartier va être conçu pour attirer les commerces de proximité, puis le zonage va aussi faciliter le rapprochement quand même physique là, entre les boutiques, les entreprises, les résidences. Et avec ces initiatives sur les transports et la piétonnisation, est-ce que Sidewalk Labs vise à réduire l'usage à réduire l'usage de l'automobile, les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie? Oui, parce qu'en fait, l'objectif de Sidewalk Lab, c'est qu'il y ait seulement 20 % des ménages qui possèdent une voiture contre présentement 78 % dans l'ensemble de Toronto. Donc, c'est une assez grosse différence. Des aménagements vont aussi être installés pour rendre l'environnement plus clément, notamment là, mettre des marquises amovibles, des pistes cyclables chauffantes pour faire fondre la neige l'hiver. Je trouve ça vraiment génial. Et des structures aussi pour protéger du vent l'hiver. Mais comme par exemple ça, on n'en aura pas besoin l'été, donc c'est des choses qu'on peut enlever. Amovibles. C'est ça. Donc, on prévoit aussi... une gestion intelligente de l'électricité. Des mécanismes vont être adoptés pour faire de ce quartier un quartier carboneutre. C'est la mode. Et comme l'intégration de différentes technologies de chauffage thermique, notamment à partir de l'usine de traitement de déchets organiques, des égouts, la géothermie, ce genre de choses, la construction d'habitats qu'on appelle passifs, ça veut dire de consommation énergétique quasi nulle, ainsi que l'ajout de thermostats intelligents dans les résidences. Des piles dans les immeubles pour stocker l'énergie. Au moment optimal de la journée, on va installer des cellules photovoltaïques sur à peu près 50 % des toits, puis l'autre 50 % serait réservé en fait pour faire des toits verts. C'est vraiment intelligent. Oui, et très environnemental. Oui. Un autre aspect environnemental concerne la gestion des déchets. Ben, chaque résidence va être dotée d'un macérateur qui va acheminer les déchets organiques vers une usine de traitement. Il y a une chute qui va permettre de trier les déchets et les matières recyclables. Puis ensuite, ils vont être envoyés là, au bon endroit par les systèmes de transport automatisés qui vont emprunter des voies souterraines. Donc, c'est vraiment des projets très futuristes. La vision de Sidewalk Labs inclut un système de livraison robotisé. Là, on pense un peu aussi à Amazon qui a la même idée. Passer également par des conduites souterraines. Contrairement à eux, là, Amazon, eux, c'est les drones, mais eux, ils veulent passer sous la ville. Le système permettra, entre autres, là, de diminuer la circulation automobile, là, par exemple, là, par les différents camions de livraison. Si on passe sous la ville, ben, on a moins de trafic. Effectivement. Tu disais tout à l'heure que Sidewalk Lab était une filiale de Google. Alors, cette vision de la ville intelligente vient, qu'on le veuille ou non, nous inféoder à Google. Oui. Les résidents de ce quartier deviennent dépendant de Google et Toronto confie le fonctionnement d'un quartier à Google. T'as tout à fait raison parce que là, la compagnie qui est une filiale d'Alphabet, là, c'est une compagnie qui appartient à Google, ben, ils ont comme l'intention de doter chaque citoyen d'un compte puis d'accéder à des services en ligne. Donc, comme tu dis, on devient comme dans une bulle, dans un univers Google. Je sais pas jusqu'à quel point ça pourrait avoir un impact et une influence ou si les citoyens ont vraiment le choix dans ces politiques-là et ont leur mot à dire parce que ça va peut-être être Google qui va tout décider. Effectivement. Donc, peu importe la forme que va prendre le quartier, je pense que le secteur va devenir un laboratoire super intéressant à tous les niveaux, tant techno que urbanisme et gestion municipale, même dans le monde entier. Ben, reste maintenant à s'assurer que les promesses d'ouverture de données soient respectées parce que c'est quand même important. Et on a vu des dérives là, de l'urbanisme au 20e siècle là, qui ont été en grande partie causées par la montée de l'automobile. Faudrait pas reproduire les mêmes erreurs, mais avec cette fois avec les nouvelles technologies. Effectivement. D'ailleurs, la Commission de l'éthique en sciences et en technologie s'est penchée sur quelques-uns de ces enjeux et a émis dernièrement un avis intitulé « La ville intelligente au service du bien commun » et ce sera un des sujets que nous traiterons la semaine prochaine à l'émission. Merci beaucoup, Mélanie.